Charline. Coucou Tony, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Eh bien écoute, ça va. Espérons que cette fois, avec notre petit travail d'ajustement de son, on sera plus confort pour tout le monde. Ouais, là vous avez raté le petit moment. On vient de passer une petite demi-heure à régler nos sons, faire des tests, mais normalement ce sera de meilleure qualité. Et puis sinon, eh ben, n'hésitez pas, on peut réoptimiser encore si besoin. Aujourd'hui, on a décidé de continuer le podcast sur quelles sont les étapes avant de pratiquer. C'est ça, on va vous partager aujourd'hui, avant une pratique magique, énergétique ou même spirituelle, il y a toujours un espace qui est celui de la préparation. Vous entendrez peut-être beaucoup parler de la protection, mais ce n'est pas réellement l'objectif en soi ni la seule chose à faire. C'est un espace à vous dans lequel vous vous mettez en condition pour pratiquer. Donc, vous mettre en condition, c'est vous, votre mental, votre émotionnel et puis vos intentions. Qu'est-ce que vous allez faire et pourquoi vous allez le faire? Aujourd'hui, on vous propose nos petits trucs à nous. Pour moi, il y a deux aspects dans cette préparation. C'est un, l'aspect de l'espace où on va pratiquer. Et le deuxième aspect pour moi, c'est l'aspect personnel, savoir se préparer soi mentalement, physiquement pour pratiquer. Et après, en fait, en fonction de ce que vous allez faire derrière, ce ne sera pas toujours les mêmes choses. Il y a un, on va dire, un socle commun, mais que vous adaptez par rapport à quelle pratique vous allez avoir aujourd'hui. C'est exactement ça. Vous allez avoir une espèce de bibliothèque, de rituel de préparation, que ce soit la préparation de votre espace géographique, j'ai envie de dire, ou de votre espace intérieur à vous. Et ça va pas s'appliquer à tout le temps de la même manière. C'est des petits rituels que vous allez combiner les uns avec les autres, probablement de manière différente, soit liés à ce que vous vous apprêtez à faire, soit liés à votre état du moment. Moi, dans un premier temps, ce que j'invite les gens à faire, c'est trouver un endroit calme. Et l'endroit calme, pour moi, c'est important pour deux choses. C'est un, ne pas être dérangé par les autres. Si vous avez un conjoint, des travaux ou des choses comme ça, quelque chose qui va vraiment vous interrompre en plein dans votre pratique, où on va vous demander, enfin même vos enfants, on ne sait jamais, ils vont demander, ah maman, est-ce que tu peux... Non, là, maman s'occupe d'elle-même, par exemple. Je pense à ma sœur notamment. Et la deuxième chose, c'est pourquoi un endroit calme? Pour pas être soi-même distrait. Si tu vois quelque chose, ah, une tâche administrative ou quelque chose qui va te sortir de ton état de conscience, eh ben là, ta pratique, elle va être amoindrie au minimum, voire inefficace, parce que tu n'auras pas réussi à rentrer complètement dedans. Le principe de la magie, des énergies, c'est que tout ça va suivre votre attention et votre intention. Donc, s'il y a un moment de relâche dans ce que vous êtes en train de faire, c'est un moment de dispersion aussi dans les énergies et ce que vous êtes en train de pratiquer. Donc, l'espace calme, il est d'abord pour vous et aussi pour la qualité de ce que vous voudriez faire. Si vous prenez ce temps pour faire quelque chose, c'est justement pour que ce temps vous appartienne. C'est ça, faites votre bulle et ne laissez pas l'extérieur y entrer si vous ne l'avez pas décidé. Ce que j'aime bien faire moi aussi, c'est ranger. Un espace qui est clair visuellement, quoi. Ça aussi, ça évite de se disperser, hein. Mais oui, exactement. C'est tout con, hein, mais bon, je pense aussi que c'est peut-être des restes de science où on nettoie notre paillasse avant de commencer, tu vois. Ou même en cuisine, c'est bête, hein, tu veux cuisiner, bah d'abord, faut que ce soit nickel, que t'aies tes C'est instruments. propre et rangé avant, c'est propre et rangé après. Exactement. Là, énergétiquement, c'est un peu la même idée. Là, on vous parle de comment on s'y prépare. Je pense qu'un jour, on discutera de comment on termine une pratique magique ou énergétique. Parce que de la même façon, une fois qu'on a terminé, toi comme moi, on a nos petits trucs de OK, je clean l'espace et moi, je me déconnecte de ce que j'étais en train de faire pour me reconnecter au reste de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. L'exemple que t'as pris, un peu de la bulle, c'est un temps qui est un peu suspendu quand vous faites votre pratique. En tout cas, la notion du temps, elle est un peu différente. Bon, c'est peut-être une notion qui est importante pour moi, mais le flow du temps, c'est quelque chose qui, lorsque vous pratiquez, il est un peu tordu. C'est vraiment quelque chose où vous allez essayer de mettre tout en pause, de sortir de ce monde très physique, matériel, où on est dans notre journée, ah, est-ce que j'ai préparé mon riz pour ce soir, tout ça, pour justement créer quelque chose qui dépasse. C'est ça, c'est cette préparation justement qui va vous permettre de créer cette zone suspendue, ce temps flottant d'un coup, où vous êtes juste là à faire ce qui compte pour vous, ce qui vous fait du bien à ce moment-là, et rien d'autre autour, rien d'autre à faire devant. Il y a juste cet espace-là en temps et en espace. Et cet espace, moi je sais que cet espace, il change. Par exemple, on parlera de ça dans un prochain épisode, mais moi j'ai un hôtel fixe à côté de mon lit. J'ai fait un petit endroit où j'ai mon hôtel fixe. Et bah, comme je te disais l'autre jour, j'ai créé un deuxième espace pour pratiquer, justement parce que bah, quand je vais pratiquer, je vais être bah, pas toujours à côté de mon conjoint, parce qu'il peut venir me demander un truc. Et donc, dans la chambre, c'était pas possible. Donc j'ai créé un deuxième espace où bah, je peux pratiquer au calme. Et ça, donc, c'est juste des espaces un peu fixes, mais la réalité, c'est que j'ai des espaces qui sont non fixes. Par exemple, je vais aller dans la nature, à un endroit, soit un endroit que j'aime, dans lequel j'aime bien aller, et j'y vais régulièrement pour pratiquer certaines choses, soit au contraire, à un instant T, je suis en train de me balader dans un nouvel endroit et je fais, ah, bah, je vais prendre quelques secondes pour pratiquer à cet endroit-là. Et ça repasse par les mêmes étapes, entre guillemets, de se dire, je vais me recentrer, je vais refaire tout ça et on y go. C'est ça, vos espaces fixes, ils ont l'intérêt de pouvoir être disponibles tout le temps, dès que vous en avez besoin. Du coup, vos espaces fixes, eh ben, c'est votre bonus, votre joker du quotidien, où dès que vous avez besoin ou envie de pratiquer, c'est là, c'est prêt, c'est disponible et vous le savez. Et puis après, il y a tous les espaces qui peuvent s'ouvrir dans la vie parce que, comme tu le dis, au détour d'une balade pleine nature, on se dit, ah bah tiens, mais en fait, j'ai besoin là maintenant et cet espace est bon et riche. Je vais aller y puiser des choses. Donc voilà, je me stoppe là, je me pose ici, je me dépose ici et je pratique. Toi, tu as d'autres petites astuces, des petites choses que tu fais au niveau espace, lieu? Alors, en termes d'espace-lieu, alors comme souvent, les espaces fixes, c'est la pièce de soins où je travaille, elle est globalement propre, disons, entretenue énergétiquement. Mes outils pour l'espace, c'est souvent allumer une bougie, parce que la connexion à cette énergie du feu, c'est à la fois le cocon, la chaleur, et vraiment un apport énergétique permanent. Et après, j'ai très souvent un encens que j'allume. Parce que occuper aussi l'espace olfactif, c'est intéressant, je trouve. Ouais, j'entends. Moi, j'avoue que l'idée de la bougie, c'est quelque chose que j'utilise aussi. Moi, je l'avais mis pour la deuxième partie, pas forcément de l'espace, mais plus dans la préparation de soi. Mais tu Ouais. vois, c'est typiquement, pour le coup, on a une pratique qui est commune, mais pas forcément dans la même attention. Exactement, ça rejoint ce dont on vous parlait. On a des outils en commun qui nous servent pas forcément de la même façon. Et moi, réellement, en fait, cette notion de lumière, elle est associée moi à mon espace plutôt qu'à moi-même. Donc, si j'ai pas de bougie ou que ça va être une pratique plus courte, j'ai tendance à allumer ma lampe de sel qui procure la même lumière orange que la flamme de la bougie. Donc, réellement, c'est associé à l'espace pour moi. Ouais, c'est génial. Comme quoi, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que c'est absolument pas dogmatique. Vous prenez ce que vous voulez, vous l'adaptez comme vous voulez. Voilà, et vous avez dit, là, il y aura à piocher pour à peu près tout le monde, puisque même en parlant d'un même outil, on s'en sert pas de la même manière, donc ça vous fait deux possibilités de tester quelque chose, quoi. Et peut-être pour les premières fois, ce qui peut être cool quand on a parlé un peu de rangement, purification, c'est justement faire un peu de purification du lieu. Je sais pas, par exemple, si Oui. vous arrivez dans un nouvel appartement ou quelque chose de nouveau, en tout cas, n'hésitez pas pour les premières fois. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour les premières fois, une petite purification, c'est pas déconnant. Oui, moi, à chaque fois que je déménage, j'ai beaucoup déménagé et la dernière fois était il y a pas encore un an. Réellement, il y a un tour d'appartement à chaque fois pour purifier chaque pièce une par une, chaque mur en conscience. L'idée de purifier, c'est pas j'arrive dans un endroit qui est sale, qui est pollué par des énergies mauvaises ou autres. C'est de se dire si je veux moi occuper cet espace, que mes énergies occupent cet espace, faut que je le crée. Donc c'est réellement nettoyer en termes de mettre neutre l'espace de l'appartement, chaque mur, chaque porte, chaque passage, pour que les énergies que moi je vais y déposer y prennent leur place. Pour la préparation de soi, je trouve que la chose la plus importante, c'est ralentir. C'est tout con, mais c'est encore une fois ce qu'on dit, Arrêtez. s'arrêter. Ouais, moi c'est vrai que ça commence toujours par ça, c'est-à-dire que mon rituel de préparation est pas toujours le même. Par contre, ce qui est toujours commun, c'est ce moment où je vais juste m'arrêter, parfois littéralement au milieu de la pièce, fermer les yeux et ralentir ma respiration, venir poser ce rythme intérieur, pas à zéro, mais vraiment mettre un bon coup d'arrêt au rythme à l'intérieur de moi d'abord. Et c'est ça qui ralentit un petit peu le temps de ce qu'il y a autour aussi. le temps suspendu de la pratique que tu décrivais bien, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes venu vous mettre ici, maintenant, sans rien d'autre autour, mais au ralenti. Ralentir, c'est la première étape pour pouvoir s'apaiser, se recentrer. Ce moment de ralentissement, il aide beaucoup pour pouvoir se recentrer. C'est lui qui offre la meilleure connexion à ce que vous allez faire, parce que pendant que vous êtes en train de ralentir, vous allez aussi ralentir vos pensées et les ramener à l'intérieur de vous. Vous allez, en ralentissant, prendre conscience aussi des émotions qui habitaient là et puis qui étaient en stand-by. Ça va permettre de faire circuler ça, de remettre du calme émotionnel aussi. Tout ça, c'est ce qui vous permet après d'être pleinement connecté à ce que vous faites et de mieux profiter. À Ouais. nouveau, hein, c'est des rituels pour nous et donc pour vous si vous pratiquez. C'est pas il faut et c'est nécessaire parce que pas du tout. Vous pouvez hein, pratiquer entre deux portes, entre deux choses C'est parce que clair. c'est maintenant que vous avez besoin d'un petit rituel et que vous n'avez pas le temps de faire davantage. Mais si c'est un moment pour vous, ça vaut le coup de le prendre dès le début. Essayez, vous verrez, ça vous aidera peut-être, peut-être pas. En attendant, essayez. Et c'est exactement pour ça qu'on se retrouve avec des outils qu'on n'utilise pas pareil. C'est Ouais. que un outil ne fait pas la pratique. Oui. C'est une aide, c'est quelque chose qui, si ça vous sert, vous allez le garder, c'est sûr. Si ça vous est pas utile, bah, ne le gardez pas, hein. Il n'y a pas de nécessité à allumer une bougie, que ce soit pour votre espace ou pour vous-même. Si la bougie vous sert à rien, parce que peut-être l'élément feu, c'est pas votre truc, Ouais. laissez tomber la bougie, hein. Moi, typiquement, c'est j'allume une bougie. Des fois, j'allume un encens, des fois que l'encens, des fois que la bougie en fonction. Et ça me permet de me recentrer. Ce moment-là, il me permet de finir le ralentissement et de sacraliser le moment où je vais me recentrer. Je vais prendre Okay. trois bonnes respirations. J'essaye de toujours faire ça, parce que bon, c'est des petits trucs que j'avais regardés. Il y en a certains, c'est la respiration carrée. Il y en a. Bah moi, c'est juste trois longues et profondes respirations. Et en fait, quand tu fais trois fois, je trouve que ça aide psychologiquement, mais aussi peut-être biologiquement, à déstresser ton corps. Et à Ouais, complètement. relâcher et re te permettre pardon, de retrouver ta concentration. Cool, la bougie, toi, c'est davantage presque un outil de focalisation Ouais, que de complètement. préparation, quoi. C'est complètement de la Oui. focalisation, ouais. Et pour revenir sur la respiration, parce que là, à nouveau, on utilise tous les deux un outil pour le retour au calme, mais pas tout à fait de la même manière. Donc, moi, j'ai pas un nombre de respirations. Je vais respirer, alors, le temps donné, mais le temps donné, il varie tous les jours, hein, clairement, il est dépendant de mon intériorité. Et je vais respirer sur un rythme où je vais expirer sur deux fois plus de temps qu'inspirer. Donc selon mon état d'agitation, bah, ça va être parfois j'inspire sur un temps et j'expire sur deux, et puis parfois je suis plus calme, donc ça va être du deux temps versus quatre temps. Et ça permet aussi de faire redescendre l'agitation. Physiologiquement, ça agit aussi sur le niveau de production du cortisol, ça Ouais. inverse les systèmes nerveux. Donc ça apaise. Donc là, piocher là-dedans, bah, essayez les techniques et vous verrez. Je dis ça parce que sur quelqu'un qui est un peu anxieux, les respirations profondes, ça peut être un peu touchy. Ouais, j'avoue, alors que moi je suis pas du tout Alors anxieux, donc qu'être bloqué sur un oui. temps, deux temps, c'est Ouais. pas grave, ça fera un peu le boulot d'alléger. Mais voilà, pour accompagner certaines personnes anxieuses, quand je leur parle de respiration, je vois la panique dans les yeux de ça va être compliqué. Donc, pour essayer d'adapter l'outil respiration Oui, c'est si clair. il vous est un petit peu inconfortable. Mais s'il vous est inconfortable, c'est aussi qu'il vous est utile. Donc persistez un petit peu. En général, les zones d'inconfort, c'est toujours quelque chose d'intéressant à étudier. Petit troisième point que j'ai envie d'aborder pour la Le préparation. sourire que vous ne voyez pas me fait deviner le petit point prochain. L'ancrage. Donc bon bah quand on vous disait on jugera pas, voilà, là il me juge, hein, je vous le dis. Je fais un peu Non. la règle de ne privilégiez pas assez l'ancrage avant de pratiquer. Il est vrai. Mais j'en fais pas jamais, quand même. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu vas le faire différemment. Et tu vas pas forcément le faire à chaque pratique, mais même en fait, l'ancrage, je le trouve pas nécessaire forcément à chaque pratique. Mais c'est quelque chose que j'aime bien rappeler aux gens, parce que des fois, on est sous l'eau, on est, tu vois, dépassé. Et je trouve que c'est un bon exercice que de s'ancrer. Et s'ancrer, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais en gros, moi, l'idée de m'ancrer, c'est ce moment-là, je le prends pour reconnecter à la nature et au monde environnement, pas le monde bouillonnant, mais vraiment Dans le naturel. la nature, voilà, la planète. ce moment-là de me ressentir, de m'ancrer, de retisser mes racines dans cette nature pour retrouver ma place au centre de la nature et mieux communiquer avec elle. C'est dans ça que je dis que l'ancrage peut être important, parce que quand vous êtes solide sur vos appuis, vous pouvez avancer, affronter beaucoup plus de choses et en tout cas tenir davantage le cap de vos ambitions. Oui, réellement, je blague, mais l'ancrage, ça peut avoir son importance parce que ce retour à la terre, à vous reconnecter vraiment au sol, à ce qui vous soutient, c'est ce qui va aussi vous apporter beaucoup de stabilité. Cette stabilité, elle peut être hyper utile sur une pratique magique ou énergétique parce que vous allez peut-être vous faire chahuter par des énergies, par vos émotions, par quelque chose. Et cet ancrage, c'est ce qui va vous permettre de garder le calme dans votre pratique et puis de pratiquer sereinement. Et peut-être pas utile tout le temps, mais il faut savoir reconnaître quand il va vous être utile pour avoir un petit rituel, une petite pratique et le faire. L'idéal, c'est d'identifier, en fait. Vous identifiez quel moment vous avez besoin de quoi. C'est ça. Les outils ne sont pas là par obligation. Les outils, ils répondent à pourquoi et comment. En fait, et ça va rejoindre le dernier point que je voulais aborder, c'est la protection. Ouais. Justement, tu l'as souligné tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la protection, et pour moi, la protection, c'est pas l'alpha et l'oméga, dans le sens où cette notion de protection, elle est un peu utilisée à tort et à travers dans mon esprit. Chacun fait comme il veut, je le répète. Mais pourquoi se protéger? De quoi se protéger? C'est ça. C'est les deux questions. Et ça revient surtout, c'est utiliser vos outils quand ça correspond. Ne les utilisez pas juste parce que c'est le folklore. Ouais, Et complètement. ça répond souvent à une question. Et ça, c'est aussi notre côté, je pense, scientifique. Mais faites les choses en conscience, encore une fois. C'est vraiment un conseil. Oui, demandez-vous si la pratique de tel ou tel rituel répond à un réel besoin pour vous. Moi, j'ai tendance à me dire aussi que ce besoin de protection dont on parle à tort à travers, il est relativement associé à la peur. Alors, Totalement. du coup, si vous ressentez un besoin viscéral de protection avant de pratiquer de la magie ou quelque chose d'énergétique, demandez-vous peut-être si vous avez peur et de quoi vous avez peur. Et est-ce que cette peur est réellement fondée ou est-ce qu'elle a été aussi transmise parmi tous les dogmes qui traînent, la peur de ça, ça existe aussi. Et si vous avez besoin d'une protection, je mettrais aussi un petit quelque chose, c'est on parle beaucoup d'outils pour se protéger. Rappelez-vous que la meilleure protection que vous ayez, c'est vous-même. C'est-à-dire, si vos énergies vibrent haut, elle est là, votre protection. Donc, avant d'avoir un rituel, peut-être de visualiser une bulle, un bouclier ou que sais-je, demandez-vous où vous en êtes en termes de taux vibratoire, sur quelle émotion vous êtes en train de pratiquer, et peut-être recentrer un petit peu vos énergies au bon endroit. Et là, je pense que vous aurez une meilleure protection que de la déléguer à un outil, qui ne reste qu'un outil. Encore une fois, on en a parlé vite fait dans le premier épisode, mais si vous êtes intéressé à la spiritualité, en tout cas à la spiritualité, je vais dire plutôt pratique, magique et énergétique, c'est que vous décidez d'avoir une responsabilité dans votre spiritualité. C'est ça, la pratique énergétique, je pense que toi et moi, on la voit aussi comme une reprise en main de notre pouvoir. Totalement. On a chacun un pouvoir intérieur qui nous est propre. Le reprendre en main, c'est aussi protecteur, c'est aussi galvanisant. C'est là que prend la source de beaucoup de choses pour vous et en vous. Donc, c'est bien d'avoir des outils de visualisation pour faire de la protection si vous en avez besoin, mais n'oubliez pas que visualiser un bouclier si vous êtes vraiment dans une énergie de peur, il va y avoir quelque chose à réajuster en vous qui ne vous empêchera pas d'utiliser votre visualisation du bouclier derrière. Ben, en plus, c'est un peu la loi de l'attraction, entre guillemets, hein. C'est que Bah, c'est complètement ça. si vous êtes avec beaucoup de peur dans votre esprit, vous avez tendance à attirer justement cette peur. C'est du magnétisme de base, c'est de l'aimant. Vous attirez C'est ce que. l'élément. Là, vous allez vibratoirement attirer ce qui ressemble le plus à votre vibration intérieure à l'instant T. Donc, on ne peut pas être toujours joyeux, toujours confiant, Non, toujours c'est si, clair. mais du coup, il y a peut-être des moments où on n'est peut-être pas OK pour pratiquer. Ouais. C'est ça qu'on vous dit dans reprendre votre pouvoir et votre responsabilité, c'est aussi vous demander, est-ce que là, c'est bon pour moi? Est-ce que je suis en état de le faire? Et sinon, peut-être que la pratique magique que je m'apprêtais à faire en dehors de moi, je vais garder ce temps-là pour me ressourcer, moi. Et je Exactement. pratiquerai demain, peut-être. Mais voilà, Preach girl. Non mais voilà, vous avez. On avait dit à quel moment je vais parler en anglais dans un truc, et ben ça y est, c'est arrivé. On attend le moment où il chantera aussi parce que ça arrivera. Et là, vous n'êtes pas prêt. Non mais oui, en fait, c'est juste que ce que tu as dit était tellement juste. Il y a des moments, en fait, c'est pas grave de dire non, c'est pas grave de dire en fait, non, aujourd'hui, je peux pas pratiquer. Là, je suis pas disponible, je suis pas là, je suis pas. C'est pas toujours possible. Vous allez dire, ah, mais oui, mais c'est la pleine lune, je voulais absolument faire la pleine lune, mais j'ai pas l'esprit à ça. Bah, c'est pas grave, il y en aura une dans 28 jours. Donc, c'est C'est pas ça, et puis la grave. pleine lune, elle va vibrer quelques jours avant, quelques jours après. Oui. Donc, si vous n'êtes pas à l'instant T à l'heure pile, c'est pas C'est très clair. grave. Mais je sais que toi et moi, on peut avoir ce type de cas de figure où, par exemple, les gens peuvent se montrer un peu dans l'urgence pour des tirages de cartes. Ils Oui. veulent maintenant un tirage de cartes parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais si c'est pas le bon moment pour nous, c'est pas qu'on va pas le faire, c'est que le tirage il va être tout naze en fait. Soit les messages tomberont à côté, soit les infos qu'on aurait pu capter, canaliser et fournir en plus ne seront pas au rendez-vous. Donc ça sera un peu léger. Et c'est pas un non, je veux pas t'aider, c'est un non parce que je voudrais t'aider correctement. Ouais, c'est ça. À 24 heures près, on tirera, on aura l'esprit qui sera clarifié et votre réponse pouvait attendre 24 heures. De toute façon, on est dans une société aujourd'hui avec beaucoup d'urgence, mais on Beaucoup n'arrive trop. plus à beaucoup trop. C'est ça, retrouver le temps, la notion du temps, du calme et la valeur de la patience. Des fois, on l'oublie, hein, mais Et même puis nous, hein. l'essence de la vie, c'est pas de courir plus vite. Enfin, le bout, on le connaît tous, hein. On n'est peut-être pas obligé d'y aller en courant. Ouais, bah plus moi je t'ai déjà vu courir, donc non, tu veux pas y aller en courant. Vraiment, moi je cours pas vite, donc j'avance pas beaucoup plus vite. Je reste tranquille, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le sujet de se préparer avant un rituel? Eh ben non, moi je crois que c'est plutôt complet. Juste en outil justement, si vous voulez tester quand on parle d'ancrage, les éléments que vous pouvez appeler à vous pour l'ancrage, il y a la terre qui est bien bien connue, et parfois la pierre aussi. Pour cette notion de roc, de stabilité, de solidité, pensez-y. On glorifie beaucoup la terre et on sait pourquoi. Moi c'est mon élément, mais vraiment pierre. Si vous avez besoin de solidité avant une pratique. Vous pouvez vous imaginer ou vous connecter vraiment à de la roche, à de la montagne, voilà, quelque chose de fort. Mais globalement, votre ancrage, c'est ce temps d'arrêt. Et dans cet espace-là, utilisez ce qui vous parle déjà, ce qui vous correspond déjà. Et c'est juste si vous n'aviez pas d'outils, voilà des petites choses que vous pouvez tester. Et justement, on est dans un podcast de discussion et de partage. Donc, normalement, il y a des espaces commentaires sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aussi dire un peu vous ce que vous faites avant de vous lancer dans une pratique. Comme ça bah, Complètement. voilà, c'est un échange. Hein. On pourra se dire, ah, tiens, ça peut être pas mal. Ou ça se trouve, ah oui, mais ça, en fait, je le fais de temps en temps et j'y ai pas pensé. Et si jamais vous ne trouvez pas l'espace commentaire que vous voulez sur la plateforme où vous êtes, nos Instagram sont là aussi pour ça. Hein. Vous pouvez venir en message privé pour nous dire voilà, je voulais partager ça. Ou si vous vous questionnez sur quelque chose qu'on vient de dire et que vous voulez un peu plus d'infos ou un peu plus Oui. qu'on creuse l'outil pour vous. Nos espaces perso, enfin pro perso, mais elles sont là. Donc un message privé est toujours le bienvenu si vous avez besoin d'un éclaircissement. Exactement. Là, on aborde un sujet. De toute façon, au fur et à mesure des émissions et des podcasts, Oui. bah, on approfondira les sujets, hein. Et là, on a eu des questions aussi qui sont arrivées, par exemple, sur bah, les défunts, sur le mauvais œil, tout ça. C'est des choses qu'on abordera parce que justement, le principe, c'est bah, d'échanger avec vous. Donc voilà. Voilà, et bah, du coup, les espaces de commentaires sont là pour ça aussi. Hein. Si au détour de notre discussion, quelque chose vous est venu de ah bah j'aimerais bien avoir des infos sur tel ou tel sujet, vous pouvez aussi nous déposer ça. On note tout et ça tombera un jour ou l'autre. Ouais, j'ai une liste de sujets, de questionnements sur mon téléphone. Vous inquiétez pas, je rajoute, il n'y a aucun souci. Nous, on a une to-do list infinie, donc allez-y, hein. On est là pour ça. C'est clair. Et on ne se limite pas. Hein. On ne s'est pas dit, tiens, il faut faire ça, ça, ça. On s'est mis des choses en se disant, on va rajouter forcément des choses au fil de l'eau. Donc, sentez-vous libre. C'est ça. Et après, ben, on repartage pour que ça ne fasse pas des sessions de 3 heures. Mais l'idée, c'est que juste on cloisonne les sujets en plus petits morceaux s'il faut. Mais on prend tous les sujets. Donc, on ne s'interdit rien. Faites-en de même. Nos Instagrams sont Les Énergies de Charline et Tony Grimoire. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On a mis même un Linktree sur nos Instagram avec toutes les plateformes disponibles. Et comme ça, vous trouvez tout au même endroit, donc votre plateforme s'y trouve. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée. Nous, on va aller se préparer à cramer. C'est ça. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à pratiquer, ça fait toujours du bien. Oui, bonne journée à vous. Bonne journée.